dans cette édition simple et pratique de La Connexion. L'accoutumance à World of Warcraft serait plus honteuse que celle à la porno. Apple présente OS X Snow Leopard. Yahoo affichera des annonces Google. Un juge américain publie de la pornographie et on débute une nouvelle série en concert. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Hey, bonjour, bienvenue à vous tous, bienvenue à La Connexion. Moi, c'est Mathieu Plan, bonjour, merci beaucoup. En direct, en ce mardi 17 juin 2008, très heureux d'être avec vous pour une émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À chaque semaine, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus, tout ça à la vitesse de l'éclair. On passe à travers une centaine d'articles par semaine. Aussi, cette semaine, on débute une nouvelle série en concert, ça c'est toujours vraiment intéressant. C'est la série Heavy Troopa is Ready to Launch, c'est un hommage à Super Mario RPG. Ça va être très très bon, c'est plus tard dans l'émission. Avant ça, il va y avoir le bloc F5, sciences et technologies. On va parler entre autres de deux ados qui sont soignés pour une addiction à leur téléphone portable. Accro à ton téléphone portable. Est-ce vraiment une maladie? Je sais pas. Pas sûr. On va aussi parler de cancer, les cellulaires là, qui devraient être utilisés avec prudence. Encore des choses pour vous faire peur. Et la moitié des MP3 seraient piratées sur les baladeurs. On apprend tellement de choses en écoutant La Connexion. À C'est Fou 89.1 FM, c'estfou.ca. D'autres formes, d'autres visages, à l'entremise d'une autre page, dans mon respire. Ou juste un manque de saveur. Soupirer ou s'en défaire, entraîné par la galère. Devenir double, être incapable de défier les désirs indomptables. À se laisser devenir malade, s'empêcher de saigner les fissures, prendre le préconçu pour nourriture, pourriture. Enfantine avec Oublier la lumière des phares. C'est l'heure hippie sous le règne des lampadaires. Ici, la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et maintenant, voici le bloc F5, science et technologie. On commence en Espagne, où deux adolescents de 12 et 13 ans sont soignés dans un centre spécialisé à Lleida pour une addiction au téléphone portable, selon une responsable du centre cité par l'édition en ligne du journal El Mundo. Ils sont arrivés pour leur addiction à Messenger, un système d'envoi de messages rapides sur Internet. Mais, je cite, « Nous avons vu qu'ils avaient aussi une addiction au téléphone portable », déclare la directrice d'un centre de pédopsychiatrie à Lleida. Ces deux ados possédaient un téléphone portable depuis un an et demi qu'ils utilisaient sans cesse et sans contrôle de la part des parents, ce qui a contribué à les mettre en échec scolaire, explique encore la responsable. Le traitement des deux jeunes patients durera au moins 2 ans. Selon Mme Udje, qui estime qu'il n'est pas facile de se défaire d'une telle habitude alors que les enfants passaient en moyenne 5 à 6 heures par jour sur leur portable. Le centre a la particularité de soigner au total 20 enfants et adolescents pour leur addiction à Internet. L'agence antidrogue espagnole estime qu'environ 10% des étudiants, des adolescents de Madrid souffrent d'addiction au téléphone portable ou à Internet. L'âge moyen de première acquisition d'un téléphone portable chez les jeunes espagnols est de 12 à 14 ans, alors que les experts recommandent de ne pas en acheter avant 16 ans, souligne encore l'édition en ligne de El Mundo. Donc, les enfants sont accros à leur cellulaire, l'utilisent à peu près pendant le quart de la journée. T'sais. C'est vrai que c'est beaucoup. De là à passer 2 ans en traitement, c'est pas de la drogue, c'est pas de l'alcool quand même. Est-ce que ça va vraiment détruire leur famille qui utilise leur téléphone cellulaire? Pas certain, pas certain. Ensuite, toujours dans le domaine des cellulaires, les téléphones posent fort probablement un risque pour la santé humaine et devraient donc être utilisés avec prudence, soutiennent une vingtaine d'experts, dont plusieurs cancérologues. Dans une lettre ouverte publiée dans la plus récente édition de l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche, les signataires formulent 10 recommandations à suivre pour minimiser les risques que représenteraient les téléphones cellulaires pour la santé humaine. Les experts soutiennent par exemple que les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser un téléphone cellulaire car les jeunes organes seraient plus sensibles aux champs électromagnétiques. Quant aux adultes, ils devraient privilégier l'utilisation d'un dispositif main libre et ne pas approcher leur téléphone cellulaire à moins d'un mètre de leur corps lorsqu'il est en fonction. Les signataires soulignent également que les conversations devraient être limitées qu'à quelques minutes. Les signataires de la lettre ouverte, qui possèdent par ailleurs tous un téléphone cellulaire, soutiennent que cette technologie doit être employée avec parcimonie, en attendant que des études démontrent hors de tout doute que ces appareils sont inoffensifs. Rappelons qu'une étude publiée l'an dernier par des chercheurs israéliens soutient que les personnes qui utilisent leur téléphone cellulaire plus de 22 heures par mois augmentent de 50% leur risque de développer une tumeur au gland de parotide situé près des oreilles. Les chercheurs affirment cependant que l'utilisation d'un cellulaire ne représente aucun risque pour la santé humaine. Donc, les études là, se contredisent à chaque fois que je lis un article là-dessus. C'est « Ah, il n'y a aucun danger. Ah, il y a plein de dangers. Ah, il n'y a aucun danger. » Donc, on va falloir voir avec le temps si quelque chose d'un petit peu plus précis et, comment dire, facile à prouver tient. Quelque chose qui tient la route. Moi, c'est ça que je veux. Je veux des preuves. Je veux quelque chose de concret. Je veux qu'on arrête de me dire « selon des scientifiques ». Non, non, non, tu sais, je sais pas. Ensuite, le fournisseur de services sans fil Fido a confirmé que, tout comme Rogers, il offrira l'iPhone au Canada lors de sa sortie le 11 juillet. Fido n'en avait pas encore fait l'annonce officielle, mais dans la section « Où acheter ?», Apple indiquait que les détaillants Fido allaient vendre le téléphone. Rogers l'offrira également, de même que les magasins Apple. Chez Rogers, comme chez Fido, l'iPhone sera offert au prix annoncé par Steve Jobs, soit à 200$ pour le modèle 8Go et 300$ pour le modèle de 16Go, ce qui est une grosse, grosse baisse de prix. Les consommateurs canadiens devront toutefois signer un contrat de 3 ans pour mettre la main sur le téléphone. Aux États-Unis, AT&T offre l'iPhone avec un contrat de 2 ans. Ni Fido ni Rogers n'ont annoncé quel forfait serait disponible avec l'iPhone d'Apple. C'est en date de l'article qui date du 12 juin dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 17 si vous écoutez en direct. Selon une étude récente menée par la British Music Rights, les 14-24 ans auraient toujours tendance à stocker de nombreux fichiers piratés sur leur baladeur. Ainsi, l'étude en question affirme qu'en moyenne, ces jeunes possèdent sur leur baladeur 900 morceaux MP3 illégaux. Toujours selon ces statistiques, un jeune de 14 à 24 ans aurait environ 1770 morceaux de musique enregistrés sur son baladeur et la moitié de ces titres seraient donc des fichiers piratés pour lesquels il n'aurait pas dépensé un seul cent. 63% des jeunes interrogés pour cette étude auraient répondu qu'ils utilisaient le partage de fichiers pour se procurer leurs morceaux. 42% passent par un ami ou une connaissance pour télécharger ces morceaux, alors que 58% reconnaissent copier leur musique depuis le disque dur d'un ami. 95% des sondés reconnaissent avoir déjà piraté au moins une fois de la musique d'une façon ou d'une autre. Au niveau des ventes, 60% des sujets continuent d'acheter des CD physiques. Enfin, 80% se disent prêts à payer un service d'échange de fichiers légal. L'article vient de Clubic.com. J'en avais vraiment besoin d'une étude pour se dire ça, peut-être pas, mais c'est bien d'avoir des vrais chiffres sur la chose parce que je me demandais moi-même combien de pourcentage de gens achètent encore des CD. Il y en a plus que je pensais. Les lecteurs multimédia Zune de Microsoft ont fait leur apparition la semaine dernière sur le marché canadien, 2 ans après leur sortie aux États-Unis, au grand déplaisir de certains magasins qui déplorent que l'appareil soit réservé à des grandes surfaces comme Walmart, Future Shop, Best Buy, La Source et HMV et sur Amazon.ca. On offre aussi tous les accessoires nécessaires et la possibilité de personnaliser son Zune avec du texte ou des dessins originaux gravés au laser. Clairement destiné à grignoter des parts de marché à Apple et ses iPod, bonne chance, la Zune se décline en version à mémoire flash de 4 Go à 140$ et de 8 Go à 190$ et à disque dur de 80 Go pour 250$. Fabriqué par Toshiba pour Microsoft. C'est un appareil polyvalent à navigation par gros boutons sensibles. Ses principaux avantages sont le grand écran, presque le double de celui de l'iPod, et le récepteur FM. Pour moi, c'est des choses de très très bons points pour la Zune. Sérieusement, moi, si je devais choisir entre un iPod et une Zune, probablement que je pencherais pour la Zune. Juste à cause du synthoniseur FM et du grand écran et de tout ce qu'on peut faire avec. Les options sont vraiment géniales. Il peut être utilisé pour échanger des données de Zune à Zune, vous voyez, par sans fil, mais l'écoute des pièces ainsi socialement et amicalement partagées ne vaut que pour 3 jours. Tout le fonctionnement passe par le logiciel Zune et le site internet installation comprise. Un forfait mensuel de 15$ donne droit à un téléchargement illimité, mais les chansons ainsi obtenues disparaissent si on met fin à l'abonnement. Ça, c'est un désavantage, mais en même temps, si t'aimes le service et que t'as acheté de la musique tellement dessus que, tu sais, parce que t'aimes ça, ben, tu vas sûrement vouloir garder ton abonnement et donc garder tes MP3. La seule autre façon d'alimenter la Zune est de lui donner à convertir de la musique venant de CD, mais impossible de s'en servir comme disque dur ou d'y glisser-déposer des fichiers, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous en servir comme une clé USB, un peu comme le iPod, dans le sens que l'iPod peut le faire. Changeons de domaine, arrêtons de parler de téléphone cellulaire, parlons plutôt de choses scientifiques un peu. Francisco Guerra a eu l'idée de concevoir une machine pour le moins originale, une machine à nuages. L'idée est simple, les nuages rebaptisés des Flogos ou des Flying Logos sont à base d'un mélange de savon et de gaz, tel que de l'hélium, qui leur permet de voler et d'avoir cette texture gonflée et nuageuse. Selon la météo et la formulation utilisée, les Flogos peuvent tenir quelques minutes comme plus d'une heure. Ils peuvent ainsi parcourir jusqu'à 48 km et monter jusqu'à 6000 mètres d'altitude, mais les petits ont une moyenne de 150 mètres. La machine peut donner n'importe quelle forme à ces logos volants, on pourrait aller de Donald Duck aux anneaux olympiques. Ils sont émis au rythme de 1 toutes les 15 secondes, leur taille variant de 60 à 90 cm. L'inventeur est en réflexion pour mettre au point des Flogos de 1,80 m en couleur, imaginez. Si vous voulez voir la machine à Flogos en action, allez-y, je suis allé, c'est joli. Très joli, ça ressemble à de la mousse de bain. Allez voir sur l'article qui est au www.unechance.com dans le bloc F5 Sciences et Technologies. L'article s'appelle « La machine à fabriquer des nuages », donc rendez-vous sur le site de l'émission au www.unechance.com, www.unechance.com. L'ordinateur table Surface ou Surface de Microsoft a trouvé un nouvel acquéreur, le Rio All Suite Hotel and Casino de Las Vegas, qui s'en sert désormais dans son bar pour permettre aux clients de commander des verres, de visionner des vidéos, de jouer à des jeux et même de flirter. C'est pas une superbe chose. Surface est un ordinateur de 10 000$ muni de Windows Vista et intégré dans une table où toutes les interactions se font à l'aide d'un solide écran tactile multipoint de 30 pouces. Faut vraiment le voir pour le croire, c'est génial. Jusqu'à tout récemment, seuls certains magasins AT&T possédaient des Surfaces pour présenter leur téléphone cellulaire. Pour son casino, Ara Entertainment a finalement acheté 6 Surfaces, en plus de faire développer des logiciels personnalisés. Un de ces logiciels s'appelle Mixologist et permettra aux clients de jouer au barman en créant et en commandant n'importe quel cocktail avec les ingrédients offerts. Un autre programme qui s'appelle Flirt permettra aux clients assis aux différentes tables du bar de se voir, discuter, prendre des photos et d'échanger leur numéro de cellulaire. Tout ça dans un aspect un petit peu plus privé que se le dire à voix haute, j'imagine. Enfin, les autres applications personnalisées permettent quant à elles de visionner des vidéos YouTube, de jouer à des jeux et d'obtenir des informations sur les restaurants et bars du coin. C'est une plateforme très ouverte, a déclaré Pete Thompson, responsable de Surface chez Microsoft, à propos de son ordinateur table. Selon lui, Surface a justement été créé pour que les entreprises puissent le personnaliser selon leurs besoins. En plus de AT&T et du Rio All Suite Hotel and Casino, T-Mobile USA et Starwood Hotels and Resorts Worldwide s'apprêteraient également à offrir des surfaces à leurs clients. L'article vient de branchez-vous via l'Associated Press. La compagnie mexicaine Biofields vient d'acheter les droits d'utilisation d'une technologie dite révolutionnaire qui doit lui permettre de fabriquer de l'éthanol à partir d'algues. La technologie en question a été développée par la société Algenol. Celle-ci utilise des algues, de l'eau de mer, du soleil et du CO2, quatre éléments qu'on retrouve en quantité industrielle presque partout. Elle en extrait de l'éthanol, de l'oxygène, de l'eau douce et des fertilisants pour l'agriculture. Algenol n'est pas la première entreprise à se lancer dans cette aventure, mais les responsables affirment haut et fort que leur technologie est complètement différente de tout ce qui existe actuellement. Règle générale, on peut produire de l'éthanol à partir d'une algue ou d'une plante en la compressant afin d'en extraire une huile et d'en faire un biocarburant. La technologie retenue par Algenol force les cellules de l'algue à produire elles-mêmes de l'éthanol sous forme de gaz que l'on capte et que l'on liquifie par la suite. Selon le grand patron d'Algenol, la technologie permet de produire un gallon d'éthanol pour environ 3$ contre 4$ pour l'essence. Il prétend aussi que sa technologie est supérieure à tous les autres types de production. Il affirme que son système à base d'algues va permettre de produire 6000 gallons ou 22 680 litres d'éthanol par année, par acre, contre 870 gallons ou 3290 litres, ce qui est beaucoup, beaucoup moins, le 22 000 contre 3000 litres par acre pour la canne à sucre et 1400 litres par acre pour le maïs. Et c'est pas tout, en utilisant le CO2 produit à partir, par exemple, d'une usine qui serait située à proximité, Woods prétend qu'il peut faire passer la production de 6000 gallons à 10 000 gallons par acre par année. Les experts qui se sont penchés sur cette technologie semblent optimistes, en théorie du moins, comme plusieurs autres technologies du genre, et soulignent qu'il y a souvent un écart considérable entre la théorie et la pratique. Cela dit, cette technologie sera rapidement mise à l'essai. La société Biofields va aménager une plantation d'algues en eau salée dans le désert Sonoran, au nord-ouest de Mexico. La production devrait débuter dès l'an prochain. L'article vient de Canoë. Et finalement, dans le même domaine, dans les bonnes nouvelles de la semaine, depuis environ un an, tous les fabricants d'appareils électroniques ont des programmes dans le but de mieux protéger l'environnement. Et bien, c'est le cas notamment de la compagnie Samsung qui a lancé deux cellulaires verts très récemment qui sont fabriqués à partir de plastique produit à base de maïs. L'un des deux appareils est le W510. La compagnie affirme que ce cellulaire a été fabriqué sans utiliser de métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le zinc. Depuis plusieurs années, Samsung tente de développer de nouvelles technologies de fabrication moins polluantes et dont les produits sont plus facilement recyclables. L'utilisation du maïs pour produire un matériau semblable à du plastique n'est pas nouvelle. Depuis des années, plusieurs entreprises ont réalisé des expériences en ce sens. Dans le cas de NEC et du Fujitsu, qui tentent justement de remplacer le plastique fabriqué à partir de pétrole pour ses appareils portatifs comme ses ordinateurs. C'est le cas de NEC et de Fujitsu, j'imagine qu'ils voulaient dire. Au cours des années 90, certains produits fabriqués à partir de maïs ont connu des carrières plus ou moins longues. Ce fut le cas de sacs de plastique, de bouteilles à remplissage unique et même de couches pour bébés. Cette technologie s'est avérée concluante pour certains objets, mais les chercheurs se sont vite rendus compte que de ses limites pour les objets plus durables. Récemment, les chercheurs ont trouvé la recette idéale en mélangeant le plastique fait de maïs avec celui fait à partir de pétrole. D'autres types de procédés ont également été mis au point. Le deuxième cellulaire fabriqué à partir de maïs par Samsung est le F268, doté d'une sonnerie qui prévient l'utilisateur lorsque la pile est rechargée afin d'éviter de laisser le téléphone branché inutilement. Hein? L'appareil est fabriqué sans aucun PVC ou BFR, qui sont deux produits considérés comme très polluants et nocifs pour l'environnement. Depuis quelques années, la protection de l'environnement est devenue un thème sensible dans l'industrie des produits électroniques. Samsung et d'autres grands fabricants opèrent maintenant des centres de stockage et d'équipements périmés. C'est le cas également de certaines grandes chaînes de magasins au détail qui offrent à leurs clients de rapporter leurs vieux équipements pour mieux les recycler. Voilà pour le bloc F5 Sciences et Technologies. Maintenant, voici les logiciels les plus téléchargés en ce moment sur download.com. En cinquième, on retrouve l'antivirus Avast Home Edition. En quatrième, Avira Antivir Personal Free Antivirus. En troisième, c'est LimeWire, le chien pour télécharger des MP3 de façon illégale. En deuxième, c'est Adaware 2008, un enleveur d'espions logiciels. Et en première place, oh, toujours le même. C'est AVG Antivirus Free Edition. Reste avec nous dans quelques instants. On va se faire un autre bloc de nouvelles avec F5 Jeux vidéo. On va parler de nouvelles vidéoludiques avec l'accoutumance à World of Warcraft, qui serait plus honteuse que la fiction pour nous. À la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo au 89.fr. Dutch 16 avec Black Flag à la connexion. Vous écoutez l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.fm. Maintenant, voici le bloc F5 jeux vidéo. Les nouvelles qui ont marqué le domaine vidéoludique de la semaine. On commence avec Gerald Block, qui est un psychiatre américain spécialisé dans la dépendance que peuvent provoquer les jeux vidéo auprès de certains joueurs. Selon lui et les patients qu'il voit défiler dans son cabinet, l'accoutumance que provoquent les jeux vidéo en ligne tels que World of Warcraft serait plus difficile à assumer pour les joueurs que celle qu'ils pourraient éprouver face à la pornographie. Le docteur a ainsi constaté au cours de ses années de pratique que les personnes avouent plus facilement une addiction à la pornographie qu'une dépendance aux jeux vidéo. Il poursuit en expliquant qu'il est plus facile pour quelqu'un de se confier sur un problème lié à la pornographie dans la mesure où il s'agit d'un sujet que la majorité des psychiatres comprennent et savent traiter. À l'inverse, les jeux vidéo ont leur jargon propre qui laisse généralement les psychiatres dans la confusion totale, disons. Les joueurs ne trouvent donc pas facilement l'écoute dont ils ont besoin lorsqu'ils veulent trouver de l'aide, ce qui cultiverait leur honte vis-à-vis d'un problème que personne ne peut comprendre. À part évidemment le Dr Block, que vous pouvez toujours aller consulter si vous avez un petit moment dans la région de Portland, dans l'Oregon, ce qui n'est pas vraiment à la porte. Donc allez voir l'article sur lunechance.com pour en savoir plus sur tout ça et sur World of Warcraft. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir votre opinion. Oui, je veux la savoir, votre opinion. Allez voir le www.unechance.com, cliquez sur la section commentaires de l'émission La Connexion, hein, la connexion numéro 223. Laissez-moi un commentaire là-dessus, je vais m'assurer d'en faire part aux auditeurs. Tri-Synergy est outrée et furieuse envers le studio Majestic Studios, qui n'est composé que de 3 personnes. En effet, Tri-Synergy avait conclu une entente avec ce tout petit studio afin de distribuer le jeu Limbo of the Lost, un titre paru le mois dernier qui n'est pas aussi original qu'il semble l'être, dit Artgamers.com. Limbo of the Lost comprendrait ainsi de nombreux environnements ainsi que divers aspects de plusieurs jeux. Parmi ces derniers, notons particulièrement The Elder Scrolls IV Oblivion, Painkiller, Thief Deadly Shadows, des jeux de la série Silent Hill, Diablo 2, Black and White 2, Vampire the Masquerade, Bloodlines et Unreal Tournament 2003 et 2004. Même le film Spawn aurait été copié dans diverses sections du jeu Limbo of the Lost. Et je cite... À aucun moment durant nos négociations avec Majestic Studios avions-nous une idée de ces similarités, a déclaré Tri-Synergy par le biais d'un communiqué. Nous avons contacté le développeur Majestic et attendons avec impatience leur réponse. Dès le moment où nous en saurons plus sur cette affaire, nous émettrons un autre communiqué. Pour le moment, Tri-Synergy, qui affirme être aussi choqué que tout le monde, a suspendu la distribution du jeu. Il serait intéressant de voir si des similitudes avec d'autres jeux seront découvertes par les joueurs au cours des prochains jours, la plupart de ces dernières ayant été relevées par des utilisateurs du forum NeoGAF. À titre informatif, le développement de Limbo of the Lost a débuté en 1995 et fut stoppé pour reprendre en 2002. Le jeu fut conçu, comme en témoigne la grosseur de Majestic Studios, avec très peu de moyens. Donc, il va y avoir des suivis là-dessus. La nouvelle date du 12 juin et on vous en reparlera peut-être à la connexion. La nouvelle vient de Shack News via Artgamers. Une récente étude fait état d'une réalité plutôt intéressante au sujet au sein des joueurs occasionnels. En effet, Information Solutions Group a mené une enquête subventionnée par le studio PopCap Games, dont les résultats font mention de plusieurs déséquilibres au sein des joueurs occasionnels qui trouvent un peu de répit en jouant à des jeux vidéo. Selon l'étude menée auprès de 13 296 joueurs occasionnels aux États-Unis, un joueur de ce type sur 5 souffre d'un déséquilibre physique, mental ou du développement. Les plus fréquents déséquilibres observés dans cette étude sont la dépression, l'ostéoporose et les rhumatismes articulaires. Toujours selon l'étude, ceux souffrant de déséquilibre jouent davantage et plus longtemps à des jeux pour joueurs occasionnels que ceux n'ayant aucun déséquilibre. Et là, quand on parle de jeux occasionnels, c'est des jeux comme Zuma, Bejeweled, les petits jeux en ligne là, qui sont pas trop durs à comprendre, mais qui deviennent plutôt accrochants avec le temps. Donc, parmi les causes pouvant expliquer ce phénomène, on retrouve l'abaissement du stress, l'amélioration de l'humeur et la distraction provoquée par les jeux occasionnels et pouvant faire oublier les tracas de la vie quotidienne. Et je cite, « Les jeux comme Bejeweled et Peggle avec des contrôles simples mais qui sont aussi élevés au niveau du défi mental et accrocheur et sont idéales pour moi puisque mon esprit bouge aussi rapidement que celui à côté de moi, mais je tape beaucoup plus lentement. » C'est ce qu'a déclaré un homme de 58 ans souffrant de graves déséquilibres physiques. Donc, une liste des principaux déséquilibres observés chez ces joueurs ainsi que les désavantages que les avantages reliés à des jeux occasionnels rapportés par les 10 joueurs sont disponibles dans l'article sur lunechance.com, article qui s'appelle « Soulager divers déséquilibres par le jeu chez 20% des joueurs occasionnels ». C'est sur lunechance.com, l'article est bien de worthplaying.com. Maintenant, un article du blog Canoë.ca, blog jeux vidéo de Canoë.ca, le conseiller du statut de la femme a soulevé beaucoup de poussière cette semaine avec son avis intitulé « Le sexe dans les médias, obstacle au rapport égalitaire ». Le document a été critiqué de toutes parts et ses critiques semblaient bien méritées tant il tirait dans toutes les directions et au bazooka, dit Jean-François Coderre. La présidente du conseil, Christiane Pelchat, a probablement frappé le fond du baril au cours de ce débat à l'émission de Paul Arcand quand elle a traité de pauvre madame l'éditrice de Châtelaine, s'il avait fallu que ce soit Arcand qui lâche ses deux mots envers Mme Pelchat. Mais revenons-en à nos moutons, dit l'article. Le conseil s'est brièvement penché sur les jeux vidéo. Dans une fiche technique, le conseil mentionne que, et je cite, dans les jeux vidéo, les personnages féminins sont présentés comme des victimes, soit princesses en détresse ou objets sexuels du héros. Les modèles masculins sont porteurs d'agressivité, de compétition et d'inhibition des émotions. Dans 30% des jeux vidéo analysés, il n'y avait aucune femme. Voilà, fin de la citation. C'est peu, mais assez pour tomber en bas de sa chaise, dit Jean-François. Le seul jeu vidéo le moindrement récent dont je me souviens et dans lequel la femme est une victime en détresse qu'il faut sauver est Super Mario Galaxy de Nintendo. Il faudrait vraiment avoir l'esprit tordu pour y voir une quelconque dénigration de la femme. Mario est peut-être un peu macho, mais dans la catégorie plombier italien moustachu, il est presque rose bonbon. Je ne peux par ailleurs me souvenir d'un jeu où les femmes sont des objets sexuels du héros, outre peut-être de très brèves séquences dans God of War ou Leisure Suit Larry. Je crois avoir entendu Mme Pelchat faire référence à la violence envers les femmes dans les jeux. Encore là, je ne peux me souvenir d'un jeu où l'on bat consciemment des femmes, ou du moins une femme, parce que elle est une femme. Dans Grand Theft Auto, on peut battre tout le monde, peu importe son sexe ou son âge. Dans les jeux de combat à la Dead or Alive, les femmes que l'on peut battre sont parfaitement capables de se défendre. Donc, pas de femmes dans 30% des jeux vidéo analysés, demande Jean-François. Par curiosité, ça inclut les jeux de hockey, de football, de baseball et autres sports qui comptent déjà pour une bonne proportion des jeux, demande-t-il. Et puis, ça arrive dans la vie des situations dans lesquelles il n'y a pas de femmes impliquées. C'est encore plus fréquent dans le genre de situations qui servent de trame à beaucoup de jeux vidéo. Des héroïnes féminines, il y en a. Hein, pas beaucoup, mais il y en a. Lara Croft, par exemple, sexy à souhait, certes, mais puissante, indépendante et intelligente. Joanna Dark dans Perfect Dark aussi. Et bientôt, il y aura Ruby dans le jeu Wet de A2M. Bien sûr, aucune de ces héroïnes n'a l'air d'un pichou. Leurs mensurations sont souvent irréalistes ou représentent à tout le moins un idéal difficilement atteignable, mais l'argument vaut aussi pour les héros masculins. Je ne sais pas quel âge a Sam Fisher, demande Jean-François, le héros de Splinter Cell, mais pas Jean-François, le héros de Splinter Cell, on s'entend. Ce serait bien, par contre, un jeu de Splinter Cell avec Jean-François Collard. Mais sa fille aurait 23 ans, ce qui laisse présumer qu'il est à tout le moins dans la quarantaine. Sam n'a pas de bedaine et n'a pas vraiment ou très peu de cheveux gris, cheveux qui ne perdent d'ailleurs pas non plus. Ok, bon, donc l'article continue sur ce chemin-là. Madame Péchet et ses acolytes feraient bien de revenir à quelques lectures de base en changeant garçon par petite fille dans les articles, par exemple, comme celui sur morale.over-blog.com. Allez voir lunechance.com pour l'article et discutez-en dans les commentaires si ça vous intéresse. Je veux savoir ce que vous pensez des filles dans les jeux vidéo. www.unechance.com. Cliquez sur les commentaires de la connexion numéro 223. C'est facile, il y a un mot qui dit commentaire. C'est vrai. Les accros des jeux vidéo ne sont pas des asociaux qui se réfugient dans les mondes virtuels, rapporte une récente étude australienne. Parmi les 621 répondants à un sondage, seuls 15% ont été identifiés comme des joueurs à problème, soit des personnes qui ont affirmé passer plus de 50 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. De ce nombre, seulement 1% semblait avoir de faibles habiletés sociales, dont une forte gêne. C'est loin d'être la majorité qui cadre avec le stéréotype selon lequel les joueurs de jeux vidéo sont solitaires et qu'ils peinent à entrer en contact avec les autres. Et je cite... Nos recherches suggèrent fortement que les jeux vidéo ne causent pas de problèmes sociaux et que les problèmes sociaux en poussent pas les gens à y jouer. D'accord. Dit Daniel Lawton de l'Université Victoria en Australie. Il a sondé 621 adultes pour arriver à ses conclusions. Les répondants étaient principalement des hommes habitant en Australie. Selon le chercheur en psychologie, les joueurs qui ont des problèmes pourraient notamment avoir des difficultés à arrêter de jouer. De même, une personne dont le temps passé à jouer nuirait à son travail, à son sommeil ou à ses relations présenterait les caractéristiques d'un joueur avec des problèmes. Daniel Lawton estime qu'il y a une évolution dans les stéréotypes sociaux et culturels selon lesquels seuls les geeks jouent à des jeux vidéo. La réalité, c'est que maintenant, tout le monde joue à des jeux vidéo. Le chercheur a cependant pu établir une relation entre certains jeux et certains comportements, et je cite « Nous avons réalisé que ceux qui jouent à des jeux en ligne massivement multijoueurs, comme World of Warcraft, ont davantage tendance à avoir des comportements de jeux problématiques. » L'article vient de cyberpresse.ca avec retard et The Register. Quelques rumeurs maintenant, nos confrères britanniques de GamesIndustry.biz, dit GameCult.com, rapportent de leurs sources proches de certains développeurs que Sony travaillerait sur une nouvelle manette pour la PlayStation 3 inspirée de la Wiimote de Nintendo. Les périphériques en question pourraient se séparer en deux parties distinctes qui comporteraient chacun un accéléromètre pour permettre à la PS3 d'offrir des jeux similaires à ceux de la Wii. Le but de cette nouvelle opération Sharingan serait évidemment de séduire un public plus large, la Wii écrasant complètement ses concurrentes depuis sa sortie, d'autant que les rumeurs font aussi état d'une possible manette de ce type en préparation pour la Xbox 360, ce que Microsoft nie complètement. La nouvelle n'a pas encore été commentée par Sony, en tout cas en date du 16 juin, donc hier. Peut-être y aura-t-il des développements dans les semaines à venir. Ensuite, tiens, un article de fond, presque, de la part de Jouer.com sur la Nintendo DS et le iPhone. Apple a présenté la semaine dernière, on en parlait ici à la collection, la version 2.0 du iPhone, dont la sortie est prévue pour le mois de juillet. Accompagnée d'une mise à jour logicielle, le iPhone permettra d'installer de vrais jeux et non des jeux limités, comme on a l'habitude de voir sur les autres portables. Est-ce que les joueurs seront attirés par cette plateforme, demande Jouer.com. J'en doute, dit François Tadé. Il y a 3 mois, après avoir annoncé la disponibilité immédiate d'une version bêta du kit de développement logiciel du iPhone, Apple avait invité des développeurs de jeux vidéo à venir présenter ce qu'ils avaient pu concevoir pour l'iPhone en dedans de 2 semaines. Plusieurs se souviendront que Sega avait présenté une version de Super Monkey Ball utilisant les accéléromètres du iPhone pour contrôler le petit singe, alors que EA avait présenté une version de Spore utilisant aussi bien les accéléromètres du iPhone que son écran multi-touch pour contrôler et personnaliser une créature. Et bien, Apple a confirmé que Super Monkey Ball sera un des premiers jeux offerts au lancement du iPhone 2.0 le 11 juillet prochain. Il va être distribué par le App Store au coût de 10 $. Donc, Sega qui va récolter 70% des profits de vente du jeu. Donc, un modèle de distribution qui devrait plaire à bien des éditeurs, dit Jouets.com. Toutefois, outre Sega, EA et Gameloft, peu d'éditeurs tiers ont manifesté de l'enthousiasme pour le iPhone. Certes, des développeurs Mac de la première heure tels que Pangea Software ont confirmé qu'ils allaient lancer les versions portables des jeux Chrome Mag Rally et Enigmo. Et des développeurs obscurs tels que Digital Legends ont annoncé des titres originaux comme Crawl, mais François Tadé ne croit pas que l'iPhone sera une menace pour le DS ou la PSP, comme semble le croire le magazine Forbes. En effet, bien que l'iPhone 2.0 soit accessible avec 200 $ seulement, Apple n'est pas un éditeur de jeux vidéo, comme c'est le cas de Nintendo, Sony et Microsoft. Il n'y aura donc pas de Super Mario ni de Gran Turismo ou Halo sur l'iPhone. Apple devra s'en remettre aux éditeurs tiers qui attendra probablement que l'iPhone fasse ses preuves, la DS étant déjà écoulée à 75 millions d'unités jusqu'ici et la PSP à 35 millions d'exemplaires. Répondant aux critiques concernant les 512 MB de mémoire flash de la Nintendo Wii, Laurent Fischer, directeur marketing chez Nintendo Europe, déclarait lors d'un récent événement WiiWare que cela ne représentait un problème que pour les geeks et les otaku. Cette réplique peu convaincante ayant fait grand bruit parmi la communauté des joueurs Wii, le grand Manitou de Nintendo, Satoru Iwata, s'est senti le besoin de faire le point sur le sujet, tout en affirmant lui aussi que la faible capacité de stockage de la Wii ne gêne qu'une minorité de joueurs. Il reconnaît que ceux-ci doivent être écoutés et non ignorés. Et je cite, « Nous devons étudier les meilleures solutions possibles pour éliminer cet inconvénient. » On imagine que la capacité mémoire de la console pourrait être étendue par le biais d'un lecteur USB ou d'un disque dur externe, dit jeuxvideo.com. Mais en attendant, le service client de Nintendo conseille aux joueurs manquant de place d'effacer les chaînes qui peuvent être retéléchargées ultérieurement et ce gratuitement, ainsi que de sauvegarder les jeux de console virtuelle sur une carte mémoire SD. Une solution aussi astreignante qu'inefficace, étant donné qu'il est impossible de démarrer un jeu de console virtuelle directement à partir d'une carte mémoire. En outre, de nombreux jeux Wii créent des données de sauvegarde qui ne peuvent être transférées hors de la mémoire de la console. Bref, en dépit de la qualité des services console virtuelle et WiiWare, Nintendo aurait-il mis la charrue devant les bœufs, dit jeuxvideo.com. Histoire à suivre pour l'espace de stockage de la Nintendo Wii. Toujours dans le domaine de Nintendo, ils ont annoncé qu'ils ont déposé une poursuite contre le fabricant Nico pour violation de marque et de brevet. En effet, la firme japonaise a engagé une poursuite judiciaire contre Nico au sujet des manettes Nunchuck fabriquées par celle-ci. Selon les documents sur lesquels Bloomberg a pu mettre la main, Nintendo accuse Nico de s'être approprié le modèle, le design, l'apparence générale et même la couleur et les matériaux de la manette Nunchuck dans la conception de la Kama Wireless Nunchuck. Pour rappeler un peu, cette version de la Nunchuck de Nico peut se connecter à la Wii Remote sans fil. Nico affirme pour le moment qu'elle n'a pas consciemment violé la propriété intellectuelle de quiconque et regarde cette affaire de près. La nouvelle vient de Bloomberg via rgamers.com. On fera le reste du bloc F5 jeux vidéo un petit peu plus tard à la collection. Et plus tard aussi, on va parler, entre autres, d'informatique et de cybercrime. La collection, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89.1 FM, restez là! Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques minutes, on va continuer le bloc F5 jeux vidéo. On va aussi parler d'informatique avec Apple qui présente son OS X Snow Leopard. Mais avant, voici une nouvelle entrée de la part de Prototype sur le palmarès francophone de C'est fou. Ça s'appelle « Un coup de langue ». Encore la tigresse au réveil. Elle prend la tangente et tombe en pamoison devant un parterre de tulipes en papier qui lui rappelle que ses yeux ont rendez-vous avec un spécialiste, le meilleur de la région, conseillé par son ami Annie qui elle aussi a eu du souci en son temps. Une armée de sourires lui scintille sur ses a priori. Elle serre les fesses et attend que ça passe. Et pendant chaque silence, un coup de langue. À la Catherine de Neuve. Toujours au naturel, en soirée, la tête dans la sono, un verre de trop, décolleté bien gonflé, elle s'arrête dans les yeux d'un garçon et se rappelle. Maisonneuve. Prototype, avec la pièce Un coup de langue de leur album Synthétique, c'est une nouvelle entrée dans le palmarès francophone de C'est fou. On est en plein milieu du bloc F5 jeux vidéo, donc continuons sur notre lancée avec Microsoft maintenant. Les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Microsoft pourrait profiter du Electronic Entertainment Expo le 3, le mois prochain, pour annoncer une baisse de prix de sa console Xbox 360. Depuis quelques mois, la Xbox en arrache même sur le marché américain. La semaine dernière, la firme de recherche NPD a révélé que les ventes du mois de mai de la Xbox, 186 000 unités écoulées, se classaient en troisième position derrière celle de la PS3 et de la Wii. Dans une entrevue à itwire.com, Jesse DeVinch de la firme IDAR dit qu'il est fort probable que Microsoft contre-attaque sous peu, et je cite, « Il ne faudrait pas se surprendre de voir Microsoft baisser ses prix ou encore lancer un nouveau produit relié à sa console ou carrément les deux. Et si le prix de la Xbox diminue, attendez-vous à voir la même chose du côté de Sony et de la PS3 dans les semaines qui vont suivre. » Pour sa part, Michael Pachter, analyste de la firme Wedbush Morgan, croit qu'une baisse de prix est inévitable, mais il la prévoit plutôt pour l'automne ou pour la période des fêtes. À son avis, il n'y a rien qui presse ni pour Microsoft ni pour Sony. Le prix a toujours été l'un des facteurs principaux à considérer lors de l'achat d'une console, mais de nos jours, d'autres éléments viennent compliquer le choix des consommateurs, par exemple la technologie utilisée, le nombre de jeux disponibles, le type de jeu, la compatibilité avec les consoles des amis, la possibilité de jouer en ligne, etc. Quant à la possibilité que la Wii baisse ses prix, rien n'est impossible, mais plusieurs en doutent, d'autant plus que sa domination sur les deux autres semble permanente. Quand tu es en première position, tu n'as pas nécessairement besoin de baisser tes prix. Voilà un article de Kenway. Si la Wiimote semble donner des idées aux concurrents de Nintendo, comme on en parlait tantôt, il se pourrait que ces Mi de Nintendo fassent également des copieurs, des émules. Le site Joystick nous montre en effet une image qui serait issue d'un récent sondage indépendant de Microsoft où l'on aperçoit des avatars. Ces doubles virtuels à personnaliser remplaceraient les images des gamertags du Xbox Live et seraient mises en place pour pour les fêtes de fin d'année pour les joueurs déjà connectés et ce printemps pour les nouveaux venus. Reste maintenant à observer si ces rumeurs se confirmeront dans les jours à venir. L'article date d'hier, lundi, le 16 juin. Donc voilà, Nintendo qui se fait copier avec tellement de bonnes idées, c'est ce qui arrive dans le monde des jeux vidéo. À 3 mois du lancement tant attendu de Spore, le jeu Spore, la prochaine création de Will Wright des Sims, EA lancera cette semaine le Spore Creator. En fait, ça sort aujourd'hui, mardi. Un outil qui vous permettra de créer vos premières créatures avant même la sortie du jeu. Et ça, c'est très excitant. L'atelier des créatures de Spore est un outil de création à la fois puissant et facile d'utilisation à la portée de toute personne se servant d'une souris. Grâce à une interface simple de type glissé-déposé, vous pourrez élaborer vos créatures en choisissant chaque élément parmi un large éventail de possibilités. Que pensez-vous de quelques tentacules? Pourquoi se limiter à des yeux seulement? Pourquoi ne pas positionner ces éléments et les étirer à votre guise? Puis choisir pour votre créature une couleur et des motifs uniques. Voilà. Ce niveau de flexibilité sans précédent vous permettra de laisser libre cours à votre imagination et de créer un nombre illimité de créatures farfelues. Donnez vie à ces créatures et voyez comment elles dansent, prennent la pose et plus encore. Des articles de jouets.com en dirait une infopub. En quelques minutes à peine, vous pouvez fabriquer facilement une créature animée des plus originales. Donc partagez vos créations préférées avec vos amis à l'aide d'outils intégrés simples, puis visitez le site de Spore pour voir les autres créatures originales réalisées par vos amis, mais aussi par tous les autres joueurs à travers le monde. Ensuite, vous pourrez les intégrer dans votre propre atelier et jouer avec elles. Voilà! Téléchargement 190 MB sur le site de Worth Playing ou de Fragland. Passez par le www.unechance.com pour le lien. C'est démo Spore Creature Creator. Et parlant de ça, en offrant un outil de création de puissance inégalée à des joueurs juvéniles, Electronic Arts a ouvert une boîte de Pandore, dit encore une fois Jouer.com. Moins de 12 heures après avoir lancé l'outil Spore Creature Creator, le net a été envahi d'images et de vidéos de créatures phalliques. Si plusieurs joueurs se sont procurés de Sims uniquement pour créer, décorer et meubler des maisons, il est fort probable que plusieurs joueurs se procureront Spore uniquement pour créer des créatures en forme de pénis. Pour avoir fait l'essai de l'outil Spore Creature Creator, dit celui qui a écrit l'article sur Jouer.com, je suis impressionné par la facilité d'utilisation de cet outil et par sa grande versatilité. Un simple coup d'œil à l'encyclopédie Sporepedia, qui se trouve au www.spore.com/sporepedia, S-P-O-R-E-P-E-D-I-A, permet de bien constater le potentiel de créativité de cet outil. En revanche, les garçons ont prouvé qu'ils seront toujours des garçons en inondant le net de créatures obscènes, de formes phalliques ou dotées d'organes sexuels démesurés. Un simple coup d'œil à YouTube permet de constater l'ampleur du dérapage. Allez voir l'article sur lunechance.com pour plusieurs vidéos. En lançant cet outil 3 mois avant la version finale du jeu, ceux qui seront offensés par les possibilités de création offertes par Spore auront le temps de porter plainte et Electronic Arts aura sans doute le temps de préparer sa défense ou mettre en place des mécanismes qui éviteront à Spore de recevoir le classement adulte seulement. En effet, le jeu permettant de partager nos créatures avec les autres et interagir avec elles, on imagine mal des parents sourire lorsque leur fille de 10 ans verra son monde de nounours roses super mignon envahi par une horde de pénis volants, dit l'article. Tellement chic. Enfin, cette controverse risque de susciter un débat plus intéressant, celui du contenu créé par les utilisateurs, dit l'article. Il y a environ 3 ans, Marvel poursuivait Cryptic Studios et NCSoft car il était possible de créer dans le jeu City of Heroes des super-héros semblables à ceux de Marvel grâce à l'outil de création offert avec le jeu. Marvel ayant perdu cette cause, c'est donc dire que les développeurs et éditeurs ne sont pas responsables des contenus créés par les utilisateurs si on suit au moins au précédent. Oui. L'article demande « Est-ce que Will Wright se mord les doigts ou se tape sur les cuisses aujourd'hui? Se doutait-il que les gens allaient tenter de créer des bestioles mimant les positions du Kama Sutra? » Probablement. Évidemment, créant un jeu comme ça, qui offre aux gens la possibilité de faire ce qu'ils veulent, t'as pas même le choix d'avoir des affaires un petit peu immatures. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Je pense pas que ça surprenne grand monde. La tournée Amp Your Game débarquera à Montréal durant la période du 19 au 22 juin. Sur place, il y aura 80 stations de jeux offrant la possibilité de jouer à une panoplie de jeux récents. Aussi, il y aura un tournoi de Halo afin de trouver le 4e joueur pour compléter l'équipe professionnelle Amp Energy. Parmi les 192 joueurs qui s'inscriront au tournoi, les 4 finalistes, seront sélectionnés. À la fin des 9 tournois dans les villes canadiennes et du tournoi en ligne, un candidat sera sélectionné pour faire partie de l'équipe Amp Energy selon différents critères. Des prix en argent seront aussi donnés aux finalistes, donc rendez-vous sur le site de Amp Energy. Pour plus de détails, c'est le ampenergy.ca. J'aime bien dire ça comme ça. Ça fait très radio. Capcom fête ses 25 ans cette année et le fait savoir sur son blog communautaire. Pour célébrer la chose, l'éditeur a décidé d'en profiter pour annoncer, ou plutôt confirmer, l'arrivée sur grand écran de deux de ses franchises. Onimusha, qui a déjà été annoncé, serait donc attendu en cinéma pour 2011 sous la direction de Christophe Gans et avec la participation de Takeshi Kaneshiro, pendant que Clock Tower, ayant fait l'objet de beaucoup d'incertitudes, serait bel et bien prévu et mise entre les mains de Martin Weiss. Et toujours dans le domaine du cinéma, MTV News a appris qu'un film basé sur la série Turok est prévu. En effet, le site s'est entretenu avec l'acteur Adam Beach qui lui a annoncé le projet et le rôle qu'il tiendra dans ce dernier. Beach incarnera ainsi le chasseur Turok. Ce ne sera d'ailleurs pas la première fois qu'il personnifiera ce personnage puisqu'il avait déjà prêté sa voix pour les besoins du DVD Turok Son of Stone. Et je cite, « Nous sommes sur le point d'organiser des réunions afin de développer un scénario et le concrétiser. Je devrais m'entraîner, être un gentil et sauver le monde. » Impossible de savoir pour le moment si le film de Turok sera davantage basé sur la bande dessinée ou encore sur les jeux de la franchise. Le film devrait être lancé dans quelques années. L'article vient encore une fois de MTV via Hard Gamers. Voilà pour le bloc F5 jeux vidéo, extrêmement long aujourd'hui. Voici le top des jeux les plus loués dans les Super Clubs Vidéo 3 la semaine dernière. En cinquième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En quatrième, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la Xbox 360. En troisième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En deuxième, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. Et en première place, attention, le jeu le plus loué est Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. Maintenant, c'est l'heure de notre série en concert. On commence une nouvelle série enfin. Et ça risque d'être très très bon. C'est Heavy Troopa is ready to launch, un hommage à Super Mario RPG. Je vous laisse entendre les premières pièces et on en parle plus tard à la Connexion 89.1 FM. Thank you. Le début de la nouvelle série Heavy Trooper is ready to launch. Le match de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars à la collection. Ah, c'est fou, 89. On vient d'entendre la pièce Koopa's Castle, le Bitmummy, c'était précédé de Super Pipe House, de Video Game Orchestra, c'était la collection Heavy Trooper is ready to launch. Un hommage, une célébration au jeu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars en trois disques qui recréent presque toutes les chansons et scènes du jeu de Nintendo et Squaresoft de 1996. Plusieurs artistes, divers, des groupes divers qui se mettent ensemble pour faire cette belle collection. Un hommage à ce jeu souvent oublié. Allez voir le unechance.com pour le lien pour télécharger cette collection. On en parlera encore un petit peu plus tard. Dans la deuxième heure, on va parler d'informatique et de cybercriminalité à la collection. Alors restez avec nous au 89.fm dans vos oreilles. Deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Oui, il nous reste une grosse heure qui va passer beaucoup trop vite, comme toujours, pour parler de plein de choses qui nous intéressent, de choses qui nous importent, dont d'informatique. Et il va aussi y avoir un bloc cybercriminalité, des nouvelles criminelles et judiciaires. Mais avant ça, oui, avant ça, on continue la série en concert. Heavy Trooper is ready to launch. On est rendu à la pièce Oh Yeah, voici Shin Fat Man. Oh, 89.5. And I heard Fat Man can't rap. It's the PHATMA, shoot a Hadouken. Flow similar to Hokuto Shinken. Get it? Shinken, Rhapsody ba. Omae wa Moshin deru. Excuse me for spitting that Japanese and shoot. So you won't understand until you watch the show. What a girl like. That's how I'll go right over your head. Like the man with the clippers, $10 a head. Your homie gon' cut, that sounds suspect. Like a gangsta licious song. Homies bumpin' chest, grown man staying in bed. That's enough said. See, I stay in the game like Dwayne Wade or Miyamoto. And in the same way, stuck in the anime like Beautiful Joe. See, I've been hiding in the leaves like Naruto. But I'm the Sharingan MC, not a Bakemono or a Bakemono. I need Tabemono. It's just too many clones like Kusanagi Kyo. So I shoot for the stars like Mario and Gino. And I heard Shin P is whack. And I heard Fat Man can't rap. Oh yeah, and why the rhymes hit in your head? Oh yeah, and why they repeat what they said? And I think Shin P be suck. Why? Cause his beats ain't got that dumb. Oh yeah, then why Shin P they wanna pump? Oh yeah, then why you hear my beats out they trunk? It's the Shin PHAT, rolling with GHG. Know what time it is, time to respect me. Sharingan MC, It's so tempting to pick up all these actors, so-called rappers who think they on top. Till they see the bottom of my soul's from the bottom of my soul, man, I wish they stop pretending like I won't. Put them in their place like Lego blocks. Star Wars edition for the nerds and geeks like Pharrell Williams and Luke Bader III. Respect to them, word. They do it for board thrashers. I do it for button mashers. And those who are tired of listening to gimmick rappers. Hit a few dudes, now they claim that they hackers. Hit a few chicks, now they claim that they hackers. Never seen a Green Bay, never seen a keyboard. But they bored did it, so they spit it out and think they hard. Like a Squirtle shell, y'all Pokemon fools. Took a peek at you, broke you down, now you shot like Pikachu. And I heard Shin P is whack. And I heard Fat Man can't rap. Oh yeah, and why the rhymes hitting in your head? Oh yeah, and why they repeating what they said? Yeah, I think Shin P be suck. Why? Cause his beats ain't got that dumb. Oh yeah, then why is SMP they wanna pump? Oh yeah? Then why you hit my beats up they trunk? Not SP the ghost, it's SP the souls. Like punch, punch, forward, kick, punch. If it lands, I'ma get 15 hits out of this thing. Give it back to the hood, back for the better good. See, I know what I'm doing, going international. Get a degree right quick, my BS is rational. Not BSing with the dough or learning Japanese. See, they don't believe Bobby B on this ice beat. Dosa dosta, omae wa bikkuri, souda, eh, shiteru ka? 2年間日本語を勉強した4人のことがありませんが全の世界は行くつもりだ任天堂の本社ないったらホックのゲームを作る欲しいだ新品 RPG 2013 Funny how you say something in a different language、right. That joint sound hot but I ain't understand it Well understand this、uh-huh. I kept it like Keep in mind next time I won't be as nice And I heard 新品 is whack And I heard Fat Man Simpy, they wanna bump. Oh, yeah? Then why you hit my beats up they trunk? And I heard Simpy is whack. And I heard Fat Man can't rap. Can't rap. Oh, yeah? And why the rhymes hit in your head? Oh, yeah? Then why they repeating what they said? And I think Simpy be suck. Why? Cause his beats ain't got that dump. Oh, yeah? Then why is Simpy they wanna bump? Oh, yeah? Then why you hit my beats up they trunk? La pièce Oh Yeah de Shin Fatman, ça vient de la collection Heavy Chupa is Ready to Launch Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Remix Album. Oh oui, et c'est très très bon. J'aime bien cette nouvelle série, moi. Mm-hmm, un album, en fait, le travail sur cet album a commencé à l'hiver 2007. Et vous pouvez retrouver ça sur unechance.com. Le lien est en haut de la page www.unechance.com. On va écouter des pièces à chaque semaine. C'est ce qu'on fait dans une série en concert. On prend un album ou, dans ce cas-ci, un album en 3 CD, puis on écoute ça du début à la fin, ou presque, dépendant des cas. On a déjà fait Zelda, on a fait Metroid, Donkey Kong, Kirby, on a tout fait. Là, c'est Mario RPG cette fois-ci, donc ça va durer au moins tout l'été. Mais dans le bloc F5 informatique, c'est ce qu'on fait en ce moment. Snow Leopard, la prochaine version de OS X, a été présentée dans le cadre de la Worldwide Developers Conference à San Francisco le lundi 9 juin dernier. Le futur système d'exploitation d'Apple devrait offrir plus de puissance et de stabilité, mais contenir peu de nouvelles fonctionnalités. Et je cite, au lieu de porter son attention principalement sur de nouvelles fonctionnalités, Snow Leopard augmentera les performances d'OS X, a fait savoir Apple dans un communiqué. Parmi les améliorations apportées au système d'exploitation, Snow Leopard, ou encore OS 10.6, sera optimisé pour les processeurs à multiples cœurs, utilisera les cartes graphiques plus efficacement, offrira une nouvelle plateforme multimédia QuickTime et permettra l'utilisation d'une importante quantité de mémoire vive, théoriquement jusqu'à 17 Teraoctets de RAM. Wow! Wow! Et je cite, « Nous avons ajouté plus de 1000 nouvelles fonctions à OS X en seulement 7 ans et Snow Leopard jette les bases pour des milliers d'autres. » C'est ce qu'a affirmé le vice-président du développement des logiciels chez Apple, Bertrand Sirlet. Dans notre effort pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs, nous appuyons sur pause pour les nouvelles fonctionnalités afin de concentrer nos efforts à perfectionner le système d'exploitation le plus avancé. Pour la première fois, Apple rendra également compatible par défaut ses applications Mail, iCal et le carnet d'adresses avec Microsoft Exchange 2007. Donc, très très bonne idée de la part de Apple de se concentrer sur la performance ou les performances du logiciel plutôt que de simplement ajouter des gogosses comme ils font d'habitude. Maintenant, tiens, restons dans le domaine presque, mais pas vraiment. Parlons de Yahoo et Google, si ça vous intéresse. Les choses se sont précipitées en date du 12 juin dans la saga Microsoft-Yahoo. D'une part, Yahoo a annoncé que tous les pourparlers avec Microsoft étaient terminés. C'est fini, ça. D'autre part, Yahoo a révélé avoir déjà signé une entente avec Google pour éventuellement faire apparaître des publicités présentées par Google sur les recherches effectuées par le moteur de Yahoo. Il s'agit là d'une entente exclusive qui ne vise que le Canada et les États-Unis. En d'autres termes, les deux sociétés pourraient signer des ententes du genre avec d'autres partenaires dans d'autres marchés. Cette entente d'une durée de 4 ans avec une option pouvant aller jusqu'à 10 ans représente des revenus additionnels d'environ 800 millions de dollars par année pour Yahoo. Dans les différents communiqués publiés la semaine dernière, Yahoo a expliqué que les discussions avec Microsoft ont échoué parce que cette dernière ne cherchait qu'à mettre la main sur une partie de l'entreprise et non la totalité. Jerry Yang, le président et fondateur de Yahoo, a indiqué au cours d'une conférence téléphonique que ses développeurs constituaient un développement heureux pour son entreprise et je cite « Il était temps de poursuivre notre développement et cette entente avec Google va nous permettre de renforcer notre position concurrentielle et d'améliorer nos revenus. » Selon l'analyste Greg Sterling, cette entente ne remplacera jamais l'achat de Yahoo par Microsoft, mais à son avis, c'est la meilleure chose qui pouvait survenir compte tenu des circonstances. Cela dit, ce dossier n'est pas fermé pour autant. Les spécialistes s'attendent à des réactions diverses et parfois fortes de la part des actionnaires de Yahoo, des intervenants du milieu, des autorités réglementaires et des compétiteurs. Je crois que c'est pas mal la fin. S'il y a des développements encore, ce qui me surprendrait dans les prochaines semaines, mais ça pourrait arriver, on vous tiendra au courant. L'article vient de Canoë. Parlons de Google, la société qui envoie de richissimes touristes en voyage dans l'espace, a annoncé la semaine dernière que le cofondateur de Google avait payé un acompte de 5 millions de dollars pour le prochain départ prévu en 2011. Hein? Sergey Brin, un milliardaire de 35 ans natif de Moscou, devrait voyager à bord de la navette Soyuz à une date non encore fixée, a ajouté Space Adventures. La destination finale pourrait toutefois ne pas être la Station spatiale internationale où 5 personnes ont déjà été conduites par la société Space Adventures. Space Adventures qui rêve en effet de nouvelles destinations, parmi lesquelles la Lune sur son versant masqué à la Terre. Par ailleurs, si la société profitait jusqu'à présent de déplacements déjà programmés par les autorités spatiales russes, le vol de 2011 devrait être réservé aux seuls clients de Space Adventures au nombre de 2, hein, accompagné d'un astronaute. Pour cela, la société achètera sa propre navette Soyuz. Donc, ça vient de l'Associated Press. Le réseau social américain MySpace, propriété du groupe médiatique News Corp de Rupert Murdoch, proposera une refonte complète de son site à compter de demain, mercredi ou hier, si vous écoutez la rediffusion du jeudi. Il faut se mettre à jour là, parce qu'on est diffusé le mardi. On rappelle le jeudi et on rappelle le lundi suivant, donc les nouvelles finissent par être un petit peu moins à jour à travers des rediffusions. Le réseau social MySpace a annoncé une importante refonte de son site dans toutes les versions internationales. Les changements attendus toucheront notamment la page d'accueil du site MySpace TV qui va lancer un nouveau lecteur Flash 9 pouvant être intégré à une page web, ainsi que les fonctionnalités de recherche du site qui permettront notamment de rechercher une personne par sexe et par tranche d'âge en plus de celle de leur lieu géographique. La première phase de cette refonte entrera en vigueur le 18 juin, donc mercredi, et amènera en plus d'une nouvelle page d'accueil, de nouvelles fonctionnalités de navigation ainsi que de nouvelles applications apportées à l'outil d'édition de profil. C'est plus qu'un lifting, dit MySpace, nous changeons la façon dont les gens interagissent avec le site et les marques. Et avec les marques, oui. MySpace, qui affirme être le site le plus fréquenté aux États-Unis, est utilisé par 110 millions de personnes dans le monde. 300 000 personnes s'y inscrivent chaque jour selon MySpace. En fait, si je me rappelle bien, j'ai lu sur un site TechCrunch que Facebook a dépassé MySpace en termes de nombre, je crois, d'inscriptions. Peut-être de visites, mais je suis pas certain. En tout cas, Facebook qui prend beaucoup plus de place que MySpace côté évolution. Voilà. Parlant d'évolution, la version définitive du navigateur web Firefox 3.0 sera finalement disponible pour téléchargement aujourd'hui, 17 juin. Selon ce qu'a annoncé Mozilla. Ceux qui préféraient attendre la vraie version plutôt que de télécharger les différentes release candidates ou encore les versions presque bêta lancées par la Fondation ces derniers temps auront donc l'occasion d'essayer le nouveau navigateur qui devrait supposément utiliser beaucoup moins de mémoire que son prédécesseur et rival Internet Explorer 7. Il y a eu des tests de fait par plusieurs sites. J'ai été les voir, j'ai été les lire, j'ai vu les graphiques et oui, très bon, la performance de Firefox 3, très impressionnant, vraiment. Parmi les 15 000 améliorations de Firefox 3, le navigateur avertit très explicitement les internautes lorsqu'un site est suspect. Il est possible de sauvegarder les signets en un seul clic avec une petite étoile. Et il y a une meilleure gestion des téléchargements. On peut faire pause d'ailleurs sur les téléchargements maintenant. Il sera également possible d'ajouter des étiquettes à ces signets et utiliser les applications web pour prendre en charge certains protocoles, comme pour envoyer ses courriels automatiquement avec Gmail sans le chier à l'extérieur, ce qui était déjà possible avec... ce qui était déjà possible avec des modules complémentaires. Rappelons que pour son lancement, Mozilla veut établir le record du plus grand nombre de téléchargements en une seule journée. Et évidemment, à la connexion, on veut que ça marche, on veut qu'ils aient le record. Donc, je vous propose d'aller voir lunechance.com et de cliquer sur le lien, hein, oui, et aller voir le spreadfirefox.com, le lien direct spreadfirefox.com pour télécharger Mozilla Firefox. Hein, les gens qui disent Mozilla, là, c'est le nom de la compagnie, ça. C'est Firefox, le nom du furteur. Donc, allez-y, téléchargez-le, c'est le download D. Ils veulent battre un record Guinness. Donc, aidez-les. Parlant de nouveau Furteur Internet, nouvelle version de Furteur Internet, Opera 9.5, c'est aussi finalisé et maintenant disponible en téléchargement, oui, depuis le 17 juin, depuis aujourd'hui, c'est vrai. Donc, version 9.5, évolution majeure de la précédente version, apporte un nombre important de nouveautés et viendra donc se dresser contre les prochaines versions de Firefox, d'Explorer et de Safari. Donc, le petit Opera, là. Petit train va loin. Hein? Il y a beaucoup de gens qui aiment Opera. J'aime bien Opera. Malheureusement, ben, j'aime plus Firefox. Et il y a bien des gens qui aiment plus Firefox. En tout cas. Donc, il existe. Et il est encore là. Et il faut en prendre soin. Hein? Donc, c'est pour ça que j'en parle aussi, pour favoriser la diversité des protocoles. Non, je sais pas. La diversité des furteurs web. Donc, allez voir opera.com. Statistique Canada a publié de nouvelles données sur l'utilisation d'Internet au Canada. Ce qui en ressort, c'est que les Canadiens utilisent Internet de façon différente selon leur âge, leur revenu, leur scolarité et même la région où ils habitent. Ainsi, 91% des familles avec un revenu de plus de 95 000 $ ont utilisé l'Internet au cours de 2007. À l'opposé, chez les ménages qui gagnent moins de 24 000 $, cette proportion n'est que de 47%. En ce qui a trait à la scolarité, 84% des personnes avec des études de post-secondaire ont utilisé Internet, comparativement à 58% chez les moins scolarisés. L'âge est également un facteur important. L'année dernière, 96% des gens entre 16 et 24 ans ont utilisé Internet contre 29% des personnes de 65 ans et plus. C'est quand même pas si pire, 29%. Cela dit, l'utilisation d'Internet a augmenté dans tous les groupes d'âge au cours des deux dernières années. De façon générale, l'enquête révèle que les trois quarts des Canadiens de 16 ans et plus ont utilisé Internet à des fins personnelles au cours des 12 mois précédant l'enquête. Cette recherche a été réalisée en octobre et novembre dernier auprès de 26 500 personnes. Près de 95% l'ont fait à partir de leur domicile et selon les estimations, environ 88% l'ont fait avec une connexion haute vitesse. Assez intéressant, ça. Il y a deux ans, cette proportion était de 80%. En général, 9 personnes sur 10 dans les villes utilisent la haute vitesse. Dans les régions rurales, ce sont 7 sur 10. Chez ceux et celles qui ont déclaré ne pas utiliser la haute vitesse, plus de la moitié ont expliqué que ce type de service était inexistant dans leur région. Les courriels et la navigation, en général, sont les deux principales activités des Canadiens. Cela dit, environ 20% des répondants ont déclaré avoir partagé des images, participé à des blogs et s'être impliqué dans des groupes de discussion. Parlant d'Internet et d'utilisation un petit peu partout en ville, Shawinigan est dans les nouvelles en ce moment même. Le réseau Internet sans fil gratuit qui devait voir le jour l'an dernier dans le centre-ville de Shawinigan a finalement été lancé le 12 juin dernier à la brasserie Le Trou du Yob. Un retard dans la livraison des bornes de diffusion est à l'origine de ce délai, selon la directrice du développement à la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC. Le territoire couvert par le nouveau réseau Shawinigan sans fil va de l'auberge Gouverneur pour parcourir la 5e rue jusqu'au Broadway Pub. L'avenue des Cèdres est également couverte entre la 3e rue et l'aréna Jacques Plante. Le projet est une initiative conjointe entre la SADC, le Centre local de développement de Shawinigan, la municipalité, TGV Net, Exitel et Commission scolaire de l'énergie, Exitel, qui est un partenaire de ces fous en passant, faut le dire. Le service est conçu pour être utilisé sur des terrasses ou dans les parcs publics. Le signal ne serait pas assez fort pour traverser les murs et remplacer un fournisseur régulier. Madame Lavergne a expliqué que certains pourraient réussir à capter le signal, mais que des mesures ont été prises pour bloquer les utilisateurs abusifs, ceux qui feraient par exemple du partage de fichiers sur le réseau. Plusieurs personnes interrogées ont constaté que le réseau de Shawinigan est plus rapide que celui de Trois-Rivières, le service en fait de Trois-Rivières. Sylvain Juton, un ami de ces fous, hein, qui travaille chez Exitel, explique qu'il s'agit de la même technologie pour les deux villes, mais qu'il y a moins de bornes proportionnellement au nombre d'utilisateurs à Trois-Rivières. Louise Bellemare, conseillère aux communications à la ville de Shawinigan, croit que l'Internet sans fil répond à un besoin des citoyens et des touristes, et je cite, « L'ordinateur portable fait maintenant autant partie de notre monde que le cellulaire. Les gens vont pouvoir continuer à travailler durant un lunch d'affaires en profitant des terrasses. » TGV Net a permis d'utiliser le réseau de fibre optique directement connecté à la tour de la Cité de l'énergie. Rappelons que la compagnie dessert les municipalités rurales de la Mauricie en fibre optique grâce à un partenariat avec la Commission scolaire de l'énergie et les fournisseurs d'Internet comme Exitel. Le promoteur de Shawinigan sans fil organise la semaine Wi-Fi qui se déroule jusqu'au 19 juin, donc encore quelques jours. Jeudi de cette semaine, jeudi, si je regarde mon calendrier, jeudi le 19, Oui, ils vont présenter le service sur diverses terrasses de la 5e rue pour terminer avec un 5 à 7 au Broadway Pub avec les chansonniers Dan et Michel Lemay. Voilà une bonne nouvelle pour la région de la Mauricie. Shawinigan sans fil. Merci, Exitel. Merci. On continue avec quelque chose que peut-être que ces gens sur le réseau à Shawinigan vont utiliser, Facebook et YouTube. Les jeunes travailleurs font un usage personnel d'Internet au bureau et plusieurs seraient prêts à quitter un emploi qui leur empêcherait de naviguer sur Internet, selon un récent sondage. Un autre sondage. Près de 1000 travailleurs britanniques ont été sondés par l'entreprise Telindus, qui a découvert que parmi les travailleurs de 18 à 24 ans, près de 80% visitaient des sites de réseautage social au bureau. 6 de ces travailleurs sur 10 téléchargent de la musique au bureau. Les vilains! Tandis que 58% vont sur YouTube. 4 répondants sur 10 de ce groupe d'âge ont par ailleurs affirmé qu'ils envisageraient de laisser une entreprise si celle-ci décidait de limiter leur accès à Internet. Wow! Et je cite, « Cette approche draconienne va générer des travailleurs mécontents puisqu'ils sentiront que leur employeur ne leur fait pas confiance. » Ben, peut-être qu'ils ont raison de ne pas leur faire confiance avec ce qu'ils viennent de dire là, qui quitterait s'ils n'avaient pas le droit d'aller sur Facebook, mais bon. Enfin, du ressentiment va donc se développer, dit le directeur de Telindus. En comparaison, seulement 16% des gens de 25 ans et plus ont dit qu'ils pourraient quitter leur emploi si on leur proposait des restrictions quant à leur utilisation d'Internet. Telindus estime donc que les employeurs doivent donner du temps aux employés pour leur occupation personnelle sur Internet sans pour autant nuire à la bande passante requise pour le travail. Parmi les solutions proposées pour arriver à ce compromis, la moitié des travailleurs s'est dite en faveur d'une utilisation personnelle d'Internet seulement à l'heure du lunch et après le travail, ou peut-être pendant les pauses. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je l'avoue. Sur l'heure du midi, je vais sur Facebook, je vais lire des nouvelles dans Google Reader, je fais plein de choses. Mon collègue va regarder des capsules de sketch sur Internet. Ça se fait, ça. C'est correct. Parlant de choses que vous avez vues sur Internet, une vidéo qui a fait parler bien des gens, c'est celle des popcorn entre des téléphones cellulaires qui... le popcorn se met à exploser. Les grains de maïs deviennent du popcorn. C'est un faux. Oui. Ben, en tout cas, j'espère que les gens n'étaient pas tous assez naïfs pour avoir cru que c'était vrai. C'est sérieusement évident que c'est un fake, mais bon. Sans vouloir juger les gens qui croyaient que c'était vrai, là, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont naïfs comme ça. Des millions d'internautes ont vu ces derniers jours une vidéo virale où des grains de maïs éclatent grâce aux ondes de téléphone cellulaire. La compagnie derrière ce trucage s'est finalement dévoilée. Il s'agit de Cardo, qui est un fabricant d'oreillettes Bluetooth. Hein? Certainement pas un fabricant de téléphone cellulaire. Ça aurait été plutôt bizarre. La vidéo de Cardo qui a été vu plus de 4 millions de fois selon la compagnie, un chiffre très conservateur, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est peut-être juste une source, là. 4 millions, c'était peut-être juste sur YouTube, là, si on additionne toutes les autres places. Donc, cette vidéo montre 3 personnes qui placent des grains de maïs au centre de 3 téléphones cellulaires. En téléphonant aux 3 appareils en même temps, les grains éclatent, exposant ainsi supposément les dangers des téléphones cellulaires. Évidemment, tout ça n'est qu'un trucage, ce que confirme maintenant le fabricant d'oreillettes Bluetooth. Le contenu de ces vidéos est de la fiction et des illusions d'optique humoristiques conçues pour amuser, affirme la compagnie sur son site web. Cardo Systems nie spécifiquement le fait que ces vidéos contiennent un portrait des faits ou commentaires par rapport à la sécurité des téléphones cellulaires. On peut s'attendre à ce qu'ils aient mis un élément chauffant en dessous de la table avec une nappe anti-feu ou quelque chose du genre. Je sais pas. Plus de 4 millions de personnes ont regardé notre petite vidéo depuis le 28 mai 2008. Nous sommes vraiment heureux d'avoir apporté cette contribution à un important débat public international. Et nous sommes également heureux que notre marque soit maintenant connue. Hein? C'est ce qu'ajoute la compagnie. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que dit l'article de branchez-vous.com. Mais c'est vrai. J'aime ça. Ah, les pubs virales. Le problème, selon moi, avec les publicités virales, c'est que c'est pas tout le monde qui vont apprendre ensuite que c'était une vidéo virale. C'est pas tout le monde là, qui a lu l'article, qui s'est renseigné pour savoir que c'était une fausse pub. Donc, ils vont continuer de l'envoyer à tout le monde et ça va faire peur à plein de gens. Ça, j'aime pas vraiment cet aspect-là. Enfin bon, voilà pour le bloc F5 informatique. On va avoir un bloc cybercrime plus tard. Le temps avance. Voici notre top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière selon la Toile du Québec. En cinquième, ça descend. On retrouve Horoscope. En quatrième, ça monte avec Canada 81. En troisième, et le reste est stable en passant. Troisième, c'est Accéder. Deuxième, Météo Média. Et en première place, c'est les packs. Vous écoutez la connexion au 89.1 FM. Et voici Be Your Own Pet avec Super Salt. 89.1 FM. I just want to run over. Be Your Own Pet avec Super Soaked de l'album Get Awkward. C'est nouveau dans les palmarès anglophones. Avant de passer en publicité, voici notre quiz musical de la semaine. Quel est ce jeu sur Xbox? Je vous donne la réponse au retour à la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Avant la pause, je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi. Encore quelques secondes pour y penser. La réponse, c'est un extrait de la pièce interlude du jeu Fable sur Xbox. Dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette dernière demi-heure, on va parler entre autres de cybercriminalité et des nouveautés qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Tout ça a plus une tonne de plaisir. Mais avant, voici Flight of the Conchords et Fouloufafa. C'est un palmarès anglophone de C'est Fou. Et je l'ai fait jouer parce que je veux que ça monte au sommet. T'sais? Je suis enchanté. La bibliothèque. Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Ah, ah, ah. Baguette. Ah, ah, ah, ah. Fouloufafa. Fouloufafafafa. Fouloufafa. Aïe. Fouloufafa. Fa-fa-fa-fa, aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est ici, bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Flight of the Conchords avec Fouloufafa. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, voici le bloc cybercrime. Oh, que j'adore le bloc cybercrime, c'est les nouvelles qui parle, entre autres, de choses pas correctes, hein? Des nouvelles criminelles et judiciaires. On commence avec des excuses en ligne pour des farceurs. Deux adolescents de la Floride qui avaient filmé leurs mauvais coups et les avaient diffusés sur YouTube ont goûté à leur propre médecine. Ils ont dû filmer des excuses et les mettre sur le site de vidéo. Les adolescents s'en étaient pris à un employé du restaurant Taco Bell, d'un restaurant Taco Bell. En passant au service à l'auto, ils ont lancé une boisson gazeuse au visage de Jessica Seponis, tandis qu'elle leur rendait la monnaie. Cette pratique s'appelle, dans le jargon, « Fire in the hole ». Elle tire son nom d'un avertissement crié par les militaires avant que les explosifs ne détonnent. La jeune femme de 23 ans a retracé ses assaillants grâce à la vidéo qu'ils avaient mise en ligne sur YouTube et à leur page MySpace où ils se vantaient de leur exploit. Les deux jeunes de 15 et 16 ans ont finalement été jugés devant un tribunal pour mineurs où ils ont été condamnés à écrire, filmer et mettre une vidéo d'excuses en ligne sur YouTube. En faisant cette vidéo, ils ont beaucoup d'heures pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, a dit le procureur de Cape Canaveral. Les adolescents devront également payer pour le nettoyage du restaurant et faire 100 heures de travail communautaire. Ah, vous voyez comment des fois la justice est douce. La proposition de modification à la loi sur le droit d'auteur déposée à Ottawa jeudi dernier suscite plusieurs réactions, surtout en ce qui concerne les œuvres protégées par verrou numérique. Le souci d'équilibre entre les intérêts des Canadiens qui utilisent la technologie numérique et de ceux qui créent du contenu, dont fait preuve le ministre de l'Industrie, la proposition de modification à la loi sur le droit d'auteur qu'il a déposée conjointement avec sa collègue au patrimoine, José Werner, ne semble pas pencher en faveur des utilisateurs selon plusieurs analystes. Selon un professeur de droit à l'Université d'Ottawa et spécialiste des questions de propriété intellectuelle, bien que le projet C-61 autorise les utilisateurs à copier des œuvres sous plusieurs conditions, il interdit la copie d'œuvres protégées par verrou numérique. Et je cite, « S'il est adopté, le projet de loi encouragera vivement l'utilisation de verrous numériques et les poursuites judiciaires. Si Prentice a donné une poignée de nouveaux droits aux consommateurs canadiens, chacun d'entre eux est l'objet de nombreuses limitations et est sapé par le verrouillage numérique, disposition qui rendront ces nouveaux droits inutiles. Selon le professeur qui qualifie ce projet de loi de trahison, le droit de copier une œuvre à des fins de recherche, d'études privées, de critiques ou de reportages disparaît quasiment si l'œuvre est protégée par verrou numérique. De plus, le projet de loi risque de compliquer la tâche aux bibliothécaires puisque le C-61 les obligera à encrypter les documents transmis par prêt entre bibliothèques, comme l'explique le journaliste Michel Dumais qui a rencontré Olivier Charbonneau, bibliothécaire professionnel et chercheur à l'Université de Concordia. Rappelons que selon le projet de loi déposé jeudi dernier, les utilisateurs qui contournent les verrous numériques ou qui diffusent du matériel protégé sur un réseau de partage de fichiers ou sur YouTube, par exemple, s'exposent à de lourdes amendes. Mis sur pied par Michael Geist, le groupe Fair Copyright for Canada, qui regroupe plus de 45 000 membres sur Facebook, déplore le fait que le gouvernement n'ait pas consulté la population avant de déposer le projet de loi qui sera soumis au vote de la Chambre des communes dès l'automne prochain. On vous tiendra évidemment au courant des développements. Alors que plusieurs fournisseurs d'accès Internet, discriminent le trafic qu'ils conduisent, Alors que plusieurs fournisseurs Internet discriminent le trafic qu'ils conduisent, favorisant certains usages, Google prend position et s'affaire à développer des outils qui permettront aux consommateurs de déceler ces pratiques chez leurs fournisseurs. La volonté de Google est claire et je cite « Si les fournisseurs ne disent pas clairement ce qui se passe sur leur réseau, nous donnerons aux usagers le pouvoir de les trouver par eux-mêmes. » Les applications que s'affaire à développer les ingénieurs depuis quelque temps déjà seront destinées au grand public qui sera invité à dénoncer les mauvaises pratiques des fournisseurs. Les outils ne sont pas disponibles pour le moment et aucun lancement n'est encore prévu, mais bon, Google travaille là-dessus. Les autorités japonaises souhaitent développer un logiciel de détection des des appels ou revendications criminelles sur Internet quelques jours après une tuerie commise par un homme qui avait prévenu de ses intentions meurtrières sur le web. Tomohiro Kato, 25 ans, s'est livré à un massacre dimanche dernier dans le quartier populaire de l'électronique de Tokyo, Akihabara. Il a foncé sur des passants avec un camion avant de descendre et de poignarder des passants au hasard, tuant 7 personnes et en blessant grièvement 10 autres. Plusieurs heures avant son attaque, il avait envoyé sur Internet depuis un téléphone portable une série de messages d'avertissement et je cite « Je vais tuer des gens à Akihabara, je vais précipiter mon véhicule sur la foule et s'il devient inutile, j'utiliserai un couteau. Au revoir à tous. » Le ministre des Télécommunications japonais, Hiroya Masuda, a annoncé lors d'une réunion gouvernementale que son ministère allait réunir un budget pour développer un logiciel de détection automatique des messages tels que celui de Tomohiro Kato. « Nous avons déjà des outils qui repèrent certains termes lorsqu'un utilisateur envoie un message sur la toile, mais en sélectionnant un mot-clé comme « meurtre », le nombre de messages interceptés est énorme, ce qui rend difficile l'exploitation des informations », a expliqué un responsable du ministère. Selon cet interlocuteur, et je cite, « Le gouvernement étudie comment soutenir le développement d'un logiciel qui alerterait lorsque les messages de quelqu'un deviennent alarmants. » Tomohiro Kato est depuis dimanche interrogé par la police et un procureur doit se prononcer dans les prochains jours sur son inculpation. Et je cite « J'aurais aimé que quelqu'un puisse m'arrêter avant le drame », a-t-il déclaré aux enquêteurs selon les médias. L'article date du 12 juin, on vous tiendra au courant évidemment. La France se joint à plusieurs pays et demande aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès aux sites pédophiles installés à l'étranger. L'ouverture des assises du numérique à Paris consacrée à la lutte contre la cybercriminalité a donné lieu à l'annonce par le ministre de l'Intérieur, ou la ministre, oui, Michèle Alliot-Marie, d'une mesure visant à bloquer l'accès aux sites pédophiles installés à l'étranger. La mesure qui devrait entrer en vigueur en septembre se basera notamment sur les signalements d'internautes et c'est l'État qui prendra la responsabilité d'informer les fournisseurs d'accès du contenu pédopornographique des sites visés. Michèle Alliot-Marie s'est défendue de vouloir créer un Big Brother de l'Internet et entend protéger les enfants et leurs familles contre les pédophiles. Par ailleurs, une mesure semblable a été annoncée cette semaine à New York. Alors que trois importants fournisseurs d'accès Internet, Verizon, Sprint et Time Warner Cable, se sont entendus pour bloquer l'accès à la pornographie infantile et en éliminer toute trace sur leur serveur. La Grande-Bretagne, la Suède, le Danemark, la Norvège, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont parmi les autres pays qui ont déjà mis en place des mesures similaires. Et finalement, un juge américain a dû suspendre un procès pour grossière indécence après avoir admis que son propre site web personnel contenait des images et des vidéos explicites accessibles au grand public. Le procès du réalisateur de films pour adultes Ira Isaacs a été interrompu par le juge Alex Kozinski pour une période de 48 heures après que le procureur ait demandé une pause pour analyser un conflit d'intérêts possible puisque la cour a un site web avec du contenu explicite similaire à celui qui est jugé ici. Ça, c'était une citation. Le site web du juge Kozinski contenait des fichiers pornographiques, mais aucun lien ne pointait vers ceux-ci. Il fallait connaître le sous-domaine du site pour y avoir accès, une information que le juge n'avait partagée qu'avec quelques amis. Il a depuis restreint l'accès à tout son site. Il a également confié au site web AboveTheLaw.com qu'il est possible que son fils Yale ait téléversé ou uploadé une partie du contenu sur son site, et je cite, « Car je ne me souviens plus avoir mis certaines de ces choses-là. » Selon le Los Angeles Times, le juge Kozinski est l'un des plus importants juges des États-Unis. Il serait l'un des candidats potentiels pour la Cour suprême américaine. Imaginez, le gars pourrait être dans la Cour suprême. Il met de la porn sur son site web. Corrompu, tu sais, la police, les juges, les prêtres. Tellement beau aux États-Unis, la joie qui règne là-bas. Voilà pour le bloc Cybercrime. Voici le top 5 des jeux les plus trichés via GameFAQs.com. En 5e, c'est Grand Theft Auto 4 sur PS3. En 4e, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En 3e, Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En 2e, c'est Ninja Gaiden 2 sur la Xbox 360. Et le jeu le plus triché sur le site de triche GameFAQs.com, c'est Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. Voilà pour le bloc Cybercrime. Voici maintenant quelques nouveautés qui s'en viennent bientôt sur vos écrans. Beaucoup de nouveautés en magasin. Commençons par celles qui sont en magasin en ce moment même sur vos tablettes via rgamers.com. Sur multiplateforme, Wacky Races, Crash and Dash, un jeu de course sur DS et sur Nintendo Wii de Warner Brothers Interactive. Il y a aussi Space Invaders Extreme qui sort sur DS et PSP, un jeu que beaucoup de gens attendent. C'est mis de Square Enix. Sur la DS, un jeu dans le même esprit que Space Invaders Extreme, c'est Arkanoid DS, aussi de Square Enix. Il ne sort pas sur PSP, enfin bon. Il y a aussi Tamagotchi Connection Corner Shop 3 de Namco, Bandai. Code Lyoko Fall of Xana de Game Factory. Imagine Rockstar de Ubisoft. Et Etrian Odyssey 2 Heroes of Lagarde de Atlus. Sur PC, on retrouve The Political Machine 2008 de Stardock et Requiem Bloody Mary ou Bloody Mare de Gravity Interactive. Sur PSP, Heroes of the Pacific de Red Mile et Secret Agent Clank de Sony. Et finalement, sur Xbox 360, on retrouve Deadliest Catch, basé sur l'émission de télé, avec le sous-titre Alaskan Storm de Navarre Core. C'est bien l'émission sur Discovery. Ensuite, sur les Xbox Originals, deux autres jeux qui sont parus sur la Xbox qui seront disponibles dès cette semaine via le service Xbox Originals de Xbox 360. Microsoft offre les jeux Guilty Gear 20 ou XX Reload et The Legend of Spyro A New Beginning. Voilà. Comme tous les jeux offerts sur le service Xbox Originals, Guilty Gear XX Pound Reload. J'ai aucune idée comment lire ce nom de jeu pour vrai. C'est XX Dièse Reload. en tout cas. Et The Legend of Spyro New Beginning, donc seront offerts pour 1200 points Microsoft chacun. Comme à chaque semaine, Nintendo a mis à jour son service aussi, Virtual Console et WiiWare pour la Nintendo Wii. Cette semaine, vous pouvez mettre la main sur Block Breaker Deluxe, un petit peu dans le même esprit que les nouveaux jeux qui sortent sur DS. C'est pour 800 points, ça joue à un ou deux joueurs. Et Kokoto Fishing Master pour 700 points à un seul joueur sur WiiWare. Ça, c'est donc deux nouveaux jeux qui sont exclusifs au système WiiWare que vous ne retrouverez pas en magasin. Et du côté de la Virtual Console, des jeux rétro, c'est Samurai Showdown qui sort cette semaine pour 900 points pour un ou deux joueurs. C'est disponible maintenant. 2K Sports, dans le futur un petit peu plus éloigné, a annoncé que la prochaine édition de son populaire jeu de hockey NHL 2K9 sera lancée cet automne pour la console Wii de Nintendo. À l'instar de NHL 09, il sera aussi disponible sur les consoles 360, PlayStation 3 et PlayStation 2. NHL 09 n'est pas prévu pour la console Wii, c'est donc dire que NHL 2K9 sera le premier et le seul jeu vidéo officiellement approuvé par la LNH et l'AJLNH pour la console Wii. NHL 2K9 qui offrira aux amateurs la possibilité de jouer comme les professionnels en maniant la télécommande Wii comme un bâton de hockey. Ils pourront ainsi s'amuser tout en vivant une expérience de jeu tout à fait unique. Voilà. D'ailleurs, pour signifier l'importance de ce lancement pour la console Wii, le personnage de jeu vidéo emblématique de Nintendo, Mario, a foulé le tapis rouge vendredi dernier, le 13 juin, à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées 2008 de la LNH au Elgin Theater de Toronto. Les photos sont sur lunechance.com. J'ai posté un article du blog jeux vidéo de Canoë avec la photo de Mario. Une grosse fuite sur le net. Deux petites secondes. Voilà. Une grosse fuite sur le net. Concernant des jeux Xbox 360, dévoile quelques détails au sujet de Guitar Hero 4. Précisément, on apprend que la nouvelle guitare de jeu disposera d'un manche tactile nommé le Neck Slide, en rapport avec l'exécution possible de Slide, peut-être comme en vrai. Par ailleurs, les documents perdus sur la toile nous fournissent également une première série de noms d'artistes à l'affiche sur la tracklist, la liste des pièces. Comme d'habitude, c'est plutôt du lourd. Puisqu'on peut déjà noter la présence de Jimi Hendrix, Foo Fighters, Smashing Pumpkins, Korn, System of a Down, Ozzy Osbourne, Interpol, Muse et même le The Doors. Si c'est le cas, on peut féliciter Activision d'avoir pu convaincre les membres du groupe de céder des droits de leur catalogue pour une utilisation commerciale, ce qui n'est quasiment jamais produit. Ce qui ne s'est quasiment jamais produit. Enfin, pour terminer, le prix de vente de Guitar Hero 4 avec son set d'instruments serait de $180 américains. Tout ceci reste pour l'état, pour l'heure, à l'état de simple rumeur. L'article date d'hier lundi, le 16 juin. Je vais évidemment devoir vous tenir au courant de ces développements pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines. Faisant partie du même lot d'informations échappées sur le net que celle relative à Guitar Hero World Tour, voici venir la presque annonce de Lips, un karaoké qui devrait s'imposer comme la réponse de la Xbox 360 à SingStar. Lips comprendrait 30 titres de base, mais disposerait évidemment d'un système d'achat de nouveaux morceaux et surtout de la possibilité de copier sa propre musique, dont la piste de chant serait mise en veilleuse. D'accord. Côté périphérique, Lips pourrait être livré avec deux micros présentant autant de particularités. La première étant une lumière clignotant au rythme de la voix du chanteur. La seconde, détecteur de mouvement, grâce auquel il serait possible de marquer des points en dansant ou en effectuant des mouvements façon rockstar. Toujours dans cette fuite d'éléments qui se sont fait la belle du FTP, de société spécialisée dans le marketing, le nouveau Tony Hawk qui pourrait voir le jour sur PS3, Xbox 360 et PC, référencé sous les trois titres provisoires de Tony Hawk's Amplitude, Tony Hawk's Adrenaline et Tony Hawk's Hawk Jam. Le logiciel utilisera un périphérique encore inconnu selon la rumeur. Et toujours en direct du FTP mal verrouillé d'une société de sous-traitance marketing, c'est là qu'on peut découvrir que Forza Motorsport 3, encore non annoncé, sera, ou en fait serait, selon le conditionnel, livré sur deux DVD, son contenu excédant la capacité d'un seul disque. Par ailleurs, il est également fait mention d'une éventuelle version collector du jeu, accompagnée d'un accès VIP à des événements en ligne, du contenu exclusif, voire carrément à une billetterie pour des manifestations sportives réelles. Une fois de plus, gardez à l'esprit que tout ceci n'a rien d'officiel. Ça date d'hier, lundi le 16. Nous sommes le mardi 17 en direct. On vous tiendra au courant par les semaines à venir. Petite nouvelle rapide pour vous annoncer que Majesco a annoncé qu'elle va lancer son propre jeu d'entraînement sur la Wii qui va profiter de la Wii Board, de la Wii Fit Board, Fitness Board. En tout cas, nouveau jeu avec l'entraîneuse de l'émission qui perd gang, Jillian Michaels. Ça va s'appeler Jillian Michaels Fitness Ultimatum 2009 pour la console de salon de Nintendo. ça va être lancé l'automne prochain. Annoncé de longue date, le jeu adapté de la série animée Happy Tree Friends, qu'on connaît d'Internet, sortira enfin la semaine prochaine. Non, cette semaine, pardon. Est-ce que c'est bien cette semaine? Oui, cette semaine. Sur... Non, l'article date de lundi, donc c'est la semaine prochaine. D'accord. Donc, c'est ce que Sega a confirmé. Ça va sortir seulement sur Xbox Live Arcade. Au fil de 10 niveaux, le joueur devra conduire une troupe de joyeux animaux et les protéger des nombreux dangers mortels qui jonchent sur le parcours. Happy Tree Friends devrait ainsi se rapprocher de Lemming en beaucoup plus sanglant, tout de même si vous connaissez le dessin animé. Depuis plusieurs mois, diverses rumeurs circulent et attribuent le développement de Star Trek Online à Cryptic Studios. Ces rumeurs viennent la fin de semaine dernière, là, qui vient tout juste de se passer, de recevoir un renfort de poids avec la mise en place d'un compte à rebours à la fois sur le site officiel du studio au crypticstudios.com et sur le site officiel de Champions Online au champions-online.com, un autre jeu massivement multijoueur. Massivement online plutôt de l'équipe américaine. Évidemment synchronisé, ces deux comptes à rebours sont illustrés par une planète et un dessin plutôt spatial. Il n'en fallait pas plus pour que les amateurs de Star Trek y voient la confirmation de leurs espoirs. Alors que Cryptic Studios se garde de tout commentaire en date de lundi, rendez-vous prévu donc pour le 28 juillet si des fuites n'ont pas lieu d'ici là. Alors que l'événement annuel de Blizzard doit se tenir les 28 et 29 juin prochains à Paris, les rumeurs d'annonces se font de plus en plus persistantes. Reliées par différents sites à travers le web, le dernier élément provient de X-Fire. En faisant la publicité de sa couverture sur l'événement, oui, notre confrère, le confrère de Cubic.com, avait effectivement parlé de l'annonce d'un nouveau jeu avant que cette référence ne soit finalement retirée. Rappelons que l'an passé, à Séoul, le Blizzard Worldwide Invitational avait été l'occasion pour Blizzard de dévoiler StarCraft 2. Du coup, les fans du studio s'attendent tous à une nouvelle annonce pour cette année, d'autant plus que le 29 juin coïncide avec le 8e anniversaire de la sortie de Diablo 2. Une occasion rêvée pour lever le voile sur un troisième opus, peut-être. La réponse dans une quinzaine de jours. Voilà donc, et puis il y a aussi une nouvelle sur le web, sur le site de la collection onechance.com qui dit que Portal 2 serait antérieur au premier volet, donc Portal 2 qui serait un prequel au jeu Portal. Voilà pour ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans, voici le top des jeux et des consoles les plus vendus aux États-Unis pour la semaine dernière selon le cabinet d'études NPD. En cinquième, on retrouve le jeu Wii Play sur la Wii. En quatrième, Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En troisième, c'est Wii Fit sur la Wii. En deuxième, Mario Kart Wii sur la Wii. Et en première place, c'est Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. Du côté des consoles, en cinquième, c'est la PSP. En quatrième, Xbox 360. Troisième, PlayStation 3. Deuxième, Nintendo DS. Et en première place, c'est la Wii avec un total de 10 170 000 ventes. Voilà, ça c'était pour les nouveautés. Bientôt sur vos écrans. Ce qui nous reste sur le site web, si vous voulez aller visiter les liens qui nous restent à faire aujourd'hui, il y a entre autres la section GoGo Gadget. J'ai posté quelques vidéos, quelques jeux pour le bureau, comme toujours, et quelques logiciels qui pourraient vous simplifier la vie. Mais nous, par contre, ce qu'on va faire d'ici à la fin de l'émission, dans les prochaines 7 minutes, c'est un tour du web. Voici Autour du Net. Tour du net cette semaine qui nous amène sur le site de joydevilla.com pour nous faire découvrir des bonbons Gummy Bears. Vous savez comment j'aime les Gummy Bears si vous m'écoutez une fois de temps en temps. Gummy Lighthouses, c'est un design de bonbons qui a tourné mal. C'est vous savez ce qui guide les bateaux, là, les phares, les Gummy Lighthouses. C'était voulu comme étant des gummies en forme de phare, mais apparemment, en les regardant... Hein, ça ressemble plutôt à autre chose. Je vais vous laisser aller voir la photo vous-même sur lunechance.com. C'est dans la section, premièrement, dans le lien, la connexion numéro 223. Descendez jusqu'à Autour du Net et vous allez trouver le lien Gummy Lighthouses. C'est bizarre, c'est louche un peu. Un quiz qui s'appelle « How many sequels were there to the film? » C'est sur le site de monkeyon.co.uk. C'est, dans le fond, on vous montre une pochette de film, par exemple, Hellraiser, Planet of the Apes, Nightmare on Elm Street, Sucker Dog, Leprechaun, Scanners, Friday the 13th. On vous demande de dire est-ce qu'il y avait d'autres suites après ça ou est-ce que c'était la fin. Donc, à chaque fois que vous appuyez sur « Il y en avait une autre », elle va soit apparaître, soit vous dire que vous avez tort. Et quand il y en a une qui apparaît, vous pouvez recliquer sur le bouton pour voir s'il y en avait une autre. Jusqu'à temps que vous cliquez sur « C'est tout, that was it ». Il n'y avait pas d'autres. Intéressant pour parfaire vos connaissances en cinéma. Ensuite, Wordle.net, qui est un jouet pour générer des nuages de mots à partir du texte que vous lui donnez. Donc, vous lui donnez un texte, il va créer un nuage de mots, littéralement, de différentes polices, de différentes couleurs, différents designs. Ça peut faire un très beau fond d'écran. Ça peut faire... C'est juste intéressant. C'est une bonne petite façon de passer 5-10 minutes, je dirais. Allez voir les exemples de d'autres gens et créer les vôtres sur Wordle.net. Geoquake.jp, c'est un simulateur de conduite 2D sur Google Maps. Donc, dans le fond, on vous fournit une voiture et un volant et vous choisissez les stations que vous voulez, par exemple Tokyo Station, London, Las Vegas, Manhattan, et vous contrôlez avec vos flèches la voiture. Vous avancez, ça vous montre vos kilomètres-heure, vous tournez, c'est un petit peu dur à contrôler. Et ça a le désavantage, par contre, vu que ça fonctionne avec Google Maps, de ne pas tenir compte des routes. Donc, vous pouvez complètement piler sur les bâtiments, là. Ça, c'est un petit peu moins le fun. Et il y a aussi le fait que quand vous lâchez votre flèche d'en avant, ça continue de rouler. Mais bon, quand même, vous pouvez choisir votre type de carte, des photos, des cartes en ligne ou encore superposées comme sur Google Maps. Vous pouvez faire un zoom in, un zoom out, choisir votre type de véhicule, autobus, gros camion, voiture, petite voiture. Et choisir, il y a aussi les contrôles, les boutons, vous pouvez mettre des clignotants. Gauche, droite, etc., etc. Donc, c'est sur le site de l'émission unechance.com. Ensuite, le prochain lien, c'est Nive Anaglyph, dessiné en dessin 3D. Si vous avez à la maison des lunettes 3D, là, vous en avez peut-être là, dans le temps. Moi, je me rappelle que j'avais un livre de Mario Bros avec des lunettes 3D. C'est génial. Ceux qui les ont gardées, essayez ça sur Internet ou allez acheter vos lunettes. Là. Donc, commencez à dessiner des lignes en 3D. Et amusez-vous à les voir en 3D. C'est juste ça le lien, le site. Nive Anaglyph. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai pas de lunettes 3D pour l'essayer, malheureusement. Un poster de tout le monde qui est passé par Futurama. Tous les personnages de Futurama sont là. Mais apparemment, ils ont oublié la tête de Lucy Liu. C'est ce que dit un commentaire. Mais bon, donc allez voir le poster. Faites-vous un fond d'écran avec ça. C'est très, très joli. Tous les personnages de Futurama sur lunechance.com. Photobombers, un beau lien de gens qui gâchent des photos. Vous savez, quand on prend des photos, il y a tout le temps quelqu'un qui se pitche dedans, qui va faire un signe bizarre. Ben ici, il y a des gens qui simulent des fellations ou des choses comme ça, ou qui ont l'air de... En tout cas, d'épais sur les photos des gens. Childhood Fears, des peurs de votre enfance reproduites en images. C'est un bassin Flickr. Donc, c'est littéralement quelqu'un qui est artistique, là, qui a pris des photos, qui a demandé à des acteurs de jouer les pires cauchemars des enfants. Comme, par exemple, un loup dans les escaliers, un monstre sous le lit, dans le garde-robe, un clown avec des mains de monstre, etc. 2008 Design Trends, c'est les modes qui sont à la mode en 2008, selon Web Designer Wall. Des grosses polices, par exemple, des styles rétro, vintage, des notes écrites à la main, des trombones. Donc, on vous donne des exemples avec des vrais sites web de mode sur Internet cette année. Et finalement, je vous ai déjà parlé à la connexion de cartes d'affaires drôles. Dans ce cas-ci, ce que j'ai, c'est d'autres cartes d'affaires drôles. Donc, allez voir une carte avec des petites épingles pour simuler des cheveux, des épingles à linge, des petites tables comme dans une voiture, une boîte de médicaments. Tout ça, c'est sur lunechance.com. Je vous rappelle encore une fois que j'ai posté quelques jeux pour le bureau, des outils, des trucs, des logiciels ou des sites qui rendent votre vie plus facile et des gadgets. Tout ça sur lunechance.com. C'est là aussi que vous pouvez retrouver la balado-diffusion en MP3 de chaque émission à chaque semaine. La connexion numéro 223 pour cette semaine pour ceux qui veulent aller voir les liens direct de l'émission, c'est la connexion numéro 223. Je vous retrouve dans le poste d'écoute de l'émission de découverte musicale les vendredis matins à 10h et au Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h. Jusqu'à la semaine prochaine de la part de toute l'équipe fictive. Merci d'avoir été là, je m'appelle Mathieu Plante, bonne journée, bonne chance et on se quitte avec Pace Play, voici Il était deux fois. Bye bye! Pour pas de panique, deux turpés pour pèse play. Deux fois moins que monde dans mon groupe pour arrêter de niaiser. Deux pour moi pis mon alter ego. Deux micros pour un fond qui tue au budget. Deux fois plus gros pour le studio pour faire cette musique futuriste ici du 22e millénaire. Deux pour le nom d'hémisphère à conquérir sa planète Terre. Deux fois deux mots comme dans sans compromis, savoir plaire. Sans contredit, savoir faire. Deux fois deux albums à mon actif pour mon humble carrière. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Tu